et ce depuis 20 ans dans la ville de Québec. Vous trouverez en plus des images de ses créations sur sa page Facebook, à Joaillerie Zims, des concours, des trucs et des réponses à vos questions sur la joaillerie. Beaucoup de surprises pour ce mois de décembre. Cette publicité s'adresse uniquement aux passagers des taxis. Monsieur le conducteur, vous restez concentré sur la route. Bon, si vous n'êtes pas du genre small talk de taxi, faites semblant de recevoir un texto important et profitez-en pour faire un don à la grande guignolée des médias. C'est moins poli, mais c'est généreux. La pauvreté gagne du terrain. Jusqu'au 24 décembre, donnez où vous soyez, même dans un taxi, sur guignolée.ca ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. Merci. Cet hiver, offrez l'audace et la découverte en cadeau. Offrir le mois multi, c'est donner à ses proches un accès privilégié à l'imaginaire débordant des artistes multi. Profitez de la prévente jusqu'au 9 janvier pour acheter à rabais un forfait fin de semaine ou un passeport pour les 24 jours de festivités. Le mois multi, c'est des spectacles inédits, des installations fascinantes et des nuits endiablées. Du 2 au 25 février à Québec. moismulti.org. À l'aérospatiale, l'exposition Michel Riopel, vue par Monique Brunet-Weiman, les coups de cœur 2017 de l'équipe et une revue de l'année en art visuel. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Audrey Caro à la barre de cette dernière édition de 2017. Et oui, c'est déjà la fin de l'année qui est arrivée et qui veut dire fin de l'année veut aussi dire retour hein, sur ce qui s'est passé sur cette année 2017 en art visuel à Québec. Et j'en profiterai en compagnie de plusieurs collaboratrices ce soir pour faire un retour avec vous sur ce qui a marqué notre année 2017, hein, nos coups de cœur, que ce soit exposition, événements ou rencontres, qui sait, hein, aussi, on va le voir, on va le découvrir parce que non, je ne sais pas toutes les coups de cœur de mes collaboratrices qui seront ce soir avec nous, mais voilà, vous pourrez découvrir ce qu'on en a passé de l'équipe et je profiterai aussi de l'occasion pour faire une brève revue de l'année, ces événements qui ont marqué 2017 hein, et ça va nous permettre de faire un petit retour aussi à la saison dernière, hein, depuis janvier 2017 quand même. Donc, ça va être très intéressant. Restez avec nous pour la deuxième moitié d'émission. Mais sinon, ce qui va aussi avec un peu annoncer le temps des fêtes, eh bien, notre première demi-heure sera consacrée à l'exposition Michel Riopel qui est présentée au Musée national des Beaux-Arts du Québec depuis l'automne, mais qui se poursuit jusqu'au 7 janvier. Et c'est une très belle idée, si on peut dire comme ça, de choses à faire durant le temps des fêtes. Honnêtement, je suis allée visiter cette exposition cette fin de semaine et je dois vous dire que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié cette exposition. Et il y a une collaboratrice avec qui nous avions parlé il y a de ça presque un an, jour pour jour, qui m'a contactée, une spécialiste du travail de Riopel, Monique Brunet-Weinman, qui, à vrai dire, s'est offert pour discuter avec nous de cette exposition, de faire un peu la lecture de cette exposition-là ensemble. Donc, on s'attelle à ça dans quelques minutes. Et bien sûr, il y aura un tout petit agenda de la semaine. Je vous pointerai aussi à la fin quelques activités à faire, particulièrement en famille, durant cette période du temps des fêtes. Parce qu'il faut dire aussi, nous prendrons une courte pause durant le temps des fêtes, mais ça, on y reviendra en fin d'émission. Alors, voilà, c'est parti pour cette dernière émission. On va aller en sélection audio de Simon Roy, qui nous présente une sélection musicale toute occasionnelle de Noël qui provient d'une gigantesque collection de 78 tours et de cylindres de cire numérisés qui sont accessibles gratuitement sur Internet Archives. Alors, on va avoir des morceaux de différents artistes ce soir et on commence avec Gordon McRae, Count Your Blessings Instead of Sheep. When I'm worried and I can't sleep, I count my blessings instead of sheep. And I fall asleep counting my blessings. When my bankroll getting small, I think of when I had none at all, and I fall asleep counting my blessings. I think about a nursery and I picture curly heads, and one by one I count them as they slumber in their beds. If you're worried and you can't sleep, just count your blessings instead of sheep. Fall asleep counting your blessings. I think about a nursery and I picture curly heads, and one by one I count them as they slumber in their. On débute cette émission, comme je vous le disais, en parlant de l'exposition Michel Riopelle présentée au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Une exposition qui est attendue depuis 25 ans déjà, de deux figures de la peinture abstraite de la seconde moitié du 20e siècle. Deux figures marquantes, faut-il le dire. Et c'est une exposition qui arrive, somme toute, à un moment quand même charnière, hein, 30 ans après le décès de Joan Mitchell en 1992 et 15 ans après le décès de Jean-Paul Riopelle en 2002. Et c'est la première fois que l'histoire de l'art pose un regard croisé sur leurs œuvres respectives. Cette exposition regroupe 60 œuvres majeures. Vous allez voir en visitant, ce sont des œuvres aussi de très grand format, plusieurs diptyques, triptyques, voire polyptyques aussi à certains moments, dont plusieurs sont en exclusivité ici au Québec et qui proviennent de collections public et privé, à la fois québécoise, mais aussi internationale. Et cette exposition cherche à faire un survol de cette rencontre, de cette relation, il faut le dire, entre les deux artistes, donc de 1955 à 1979. Et c'est le Musée national des Beaux-Arts du Québec qui est le chef d'orchestre, tout ça, mais avec, bien sûr, comme partenaire, l'Art Gallery of Ontario et l'appui aussi de la Fondation Joan Mitchell et de la Succession Riopelle. Et j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil une critique d'art, historienne de l'art, Monique Brunet-Weimann. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Oui, très bien, vous-même? Très bien, pareillement. Donc, je suis vraiment très enthousiaste de jaser de cette exposition parce que c'est vous hein, qui m'aviez contacté pour offrir vos bonnes connaissances du travail de Riopelle et de Mitchell pour parler de cette exposition. Et j'étais vraiment très curieuse d'avoir votre lecture, bien sûr, aussi, votre regard éclairé, il faut le dire, sur cette pratique. Enfin, allons-y d'entrée de jeu. Je pense que vous avez eu tout de même, vous le disiez dans un article, que vous attendiez depuis longtemps cette exposition. Oui, oui. Ben, écoutez, ça me paraissait une évidence, vous voyez, c'est ça qui... Mais c'est souvent les évidences qu'on voit le moins vite. Le fait que les deux artistes avaient vécu quand même 25 ans, vous savez, 25 ans, c'est quand même beaucoup, surtout dans leur milieu. Ensemble, avec tous les tensions sûrement, puis les bons moments qu'ils ont connus, ça peut pas ne pas avoir influé sur leur travail. Je dis peut-être pas sur leur œuvre, parce que ça justement c'est le sujet de l'exposition entre autres et du catalogue. Mais sur leur travail, sur leur vie, sur l'aide qu'ils se sont apportée, parce qu'ils étaient très ils estimaient beaucoup le travail de l'autre, c'était pas des il y avait une rivalité, c'est certain, mais c'était surtout une stimulation et beaucoup d'estime malgré les tensions qu'ils ont pu avoir et leurs différences à de nombreux niveaux, n'est-ce pas, sur de nombreux de leur autant leur formation, leur famille, leur pays, leur langue, leur culture. C'est étonnant que deux êtres aussi différents finalement aient vécu ensemble si longtemps et pu faire chacun de son côté une œuvre aussi magistrale, aussi gigantesque. Oui. Et alors justement, c'est ça qui est aussi frappant, c'est que on parle beaucoup des autres couples d'artistes, bon, qu'on connaît, n'est-ce pas, Frida Kahlo avec Diego Rivera, Auguste Rodin, Camille Riopelle, Jackson Pollock, les Krochner. Il n'y a rien de semblable, à mon avis, au couple Mitchell Riopelle. Parce que justement, ce qui fait la grande différence et leur supériorité, à mon avis, c'est que ils étaient tous les deux aussi forts, aussi violents, aussi acharnés pour leur œuvre, aussi excellents, d'ailleurs aussi dans la pratique, et aussi connus, parce que finalement, quand ils se rencontrent en 1955, ils ont déjà un parcours derrière eux. C'est pas du tout des jeunes de l'Arlèze, n'est-ce pas? Ils ont déjà une trentaine d'années passées et déjà un très bon départ. Riopelle est déjà très très connu, très célèbre, et John Mitchell n'est pas du tout inconnu à New York à cette année-là, voyez-vous. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel à mon avis. Oui, effectivement, et on le sent aussi dans notre parcours. Je vous dirais que moi, quand j'ai été visiter, j'ai à peine regardé les cartels sur les murs pour vraiment me laisser imprégner. Puis je pense que c'est ce qui marque aussi notre visite, comment les œuvres et la sélection ont été vraiment finement faites parce qu'on est transporté par ces œuvres-là. Elles sont fortes, chacune d'entre elles sont extrêmement fortes, vraiment. C'est extrêmement fort. C'est pourquoi je dis à tout le monde, là, vous savez, il ne reste plus beaucoup de temps pour aller la voir. Et là, ça se termine le 7 janvier, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, il faut absolument aller voir ça, parce que c'est unique. On ne reverra pas un événement comme ça avant longtemps, pas plus au Canada qu'ailleurs d'ailleurs. Et en plus, ça ne va même pas aux États-Unis. Ça aurait pu aller quand même dans une ou deux villes des États-Unis. C'est ça que je trouve aussi extrêmement étonnant. Mais voyez-vous, c'est une chose absolument... Hein, incontournable qu'il faut voir parce que c'est de la très grande peinture et je pense que ça va rester, vous savez, les modes passeront, les théories à la Greenberg et compagnie vont passer, mais les œuvres de cette qualité-là, aussi bien de Riopelle que de Mitchell, de cette puissance-là, tellement représentative finalement de la seconde moitié du 20e siècle, pardon, c'est du classique déjà. En fait, j'ai eu l'impression en visitant cette exposition-là qu'on était déjà devant des grands classiques de notre époque. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut pas manquer. C'est aussi important que d'aller voir, comme on le faisait dans les années 60 ou 70, une exposition de Picasso. Picasso était un incontournable. Même les gens qui ne connaissaient pas bien l'art allaient voir l'exposition Picasso. Et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'intéresser. Hein? C'est oui. pas toujours en connaissant d'abord puis en voyant après. Il faut voir d'abord et puis on a envie de connaître après. Et c'est ça que cette exposition-là, dans toute son excellence et dans cet espace, parce qu'il faut bien reconnaître que dans le pavillon La Sonde là, que vous avez maintenant au Musée du Québec, les œuvres sont mises en valeur d'une façon exceptionnelle. D'ailleurs, comme le disait très bien votre directrice, Madame Linouellette, n'est-ce pas? Les deux ont été conçus simultanément et en corrélation, puisque le pavillon n'était pas encore construit, il était sur plan, quand on concevait en même temps l'exposition Riopelle-Mitchell. Donc, il y a là une espèce de momentum, vous voyez, qui est vraiment exceptionnel et qu'il faut absolument pas laisser passer. Alors, il faut courir. Moi, je suis allée deux fois voir l'exposition déjà et il faudrait la revoir encore, tellement il y a de choses, tellement c'est riche. Oui. Oui, vous avez entièrement raison. Et puis, moi, ce qui m'a marqué, bon, je suis allée cette fin de semaine visiter et premièrement, c'est un très grand succès aussi populaire. Les gens sont là. Mais ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que autant une personne qui n'y connaît absolument rien en peinture abstraite, oui. que autant les connaisseurs peuvent apprécier cette exposition. Absolument. Et c'est ça qui est voyez, fort il faut, aussi. Voilà, il faut s'initier à l'art par le meilleur, en voyant ce qu'il y a de mieux, voyez-vous. Et justement, il faut faire un cheminement, c'est sûr. Mais il y a un contact avec des œuvres d'exception qui vous donnent envie d'en connaître plus. Et c'est exactement le cas là. C'est pour ça que même les gens qui ne sont pas très férus, ni d'art abstrait encore moins, mais c'est l'art de notre temps qui va rester. C'est le classique de demain. Donc, il faut absolument se heurter à ça, puis en même temps en jouir, parce que finalement, c'est pas une pénitence. Hein? Non, du tout. Si vous permettez, on pourrait peut-être sauter du côté des œuvres elles-mêmes, parce que ce qui m'a frappé aussi, c'est que la mise en espace et comment on a justement créé ce dialogue, hein, parce que c'est important de le dire, ce n'est pas une confrontation, mais plutôt un dialogue entre deux grandes pratiques, c'est qu'on constate très rapidement le style de chacun. C'est ça. Aussi, et on est très capable, sans regarder au mur, de savoir de qui il s'agit. À part quelques rares exceptions où ils sont vraiment beaucoup plus proches, mais dans l'ensemble, et c'est ça qui est vraiment formidable. Vous avez parlé de dialogue, je parle aussi de duo, duel. Oui. Voyez-vous, c'est tout ce qui est duel, quoi, la dualité de tout ça. Mais c'est un duo, parce qu'il y a vraiment comme une partition de chant. Et puis un duel par moment, parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été facile entre eux. Mais en fait, c'est ça qu'il faut voir. Et malgré justement, c'est très difficile en fait. Hein. C'est là qu'on s'aperçoit que trouver des influences, entre guillemets, c'est un jeu et un exercice extrêmement difficile. Pour ça, je trouve que les auteurs du catalogue ont dû beaucoup travailler, et ceux qui ont choisi les œuvres aussi. Mm-hmm. Parce qu'il fallait trouver des œuvres quand même qui étaient en réponse, vous voyez. Oui. Et il y en a des réponses. On pourrait les énumérer au point de vue de la technique, tout un tas de choses si on a le temps, là. Par exemple, le jeu entre le fond et la forme, les couleurs qui changent de temps en temps quand sous l'influence de l'un ou de l'autre. Il y a toutes sortes de figures qui sont récurrentes quand même, en particulier dans les deux œuvres qui ont été inspirées par un séjour à Calvi en Corse. Il y a tout un tas de choses qui établissent des points de comparaison, mais dans l'ensemble, et c'est ça qui frappe, c'est que chacun a son œuvre complètement autonome, avec comme vous dites, il n'y a pas besoin de regarder les cartels, le style est une signature. Mm-hmm. Exactement. Et puis, c'est intéressant parce que justement, il y a des périodes où, comme vous l'avez mentionné, il y a des périodes où il y a une proximité aussi quand même. On sent qu'il y a peut-être eu des échanges ou du moins une certaine influence de l'un et l'autre dans la façon. Ah ben oui, mais ça, c'est immanquable, voyez-vous. Alors, c'est très difficile à cerner. Mais c'est immanquable. Ça ne peut pas être autrement. 25 ans de vie plus ou moins commune. Puis il y a les formats aussi. Chacun, ils se sont influencés pour les formats. Vous voyez, comme vous avez bien dit, il y a des diptyques, il y a des triptyques, il y a des polyptyques. Là, bon, c'est peut-être Riopelle qui était le premier à faire des triptyques. Au début, Mitchell faisait des très grands formats, mais dans le très grand format, on est quand même limité. Il y a des limites des dimensions de la toile. Tandis que quand vous avez le truc de faire des juxtapositions comme faisait Riopelle, triptyque et même polyptyque, naturellement, ça augmente la dimension possible, et ça, Mitchell l'a bien saisi. Mais d'un autre côté, vous voyez, il y a cette façon de peindre beaucoup plus légère et beaucoup plus aérienne et beaucoup plus détachée du fond que Riopelle saisit aussi, parce que lui, il fait des épaisseurs de pigments, alors qu'elle, n'est-ce pas, peint d'une façon extrêmement diluée et très légère. Alors, ça se combine, voyez-vous. Exactement. Surtout au début du parcours, on sent justement cette différence-là, la densité de la matière chez Riopelle et cette espèce de fluidité où on sent que la peinture, oui, comme vous le disiez, elle est diluée, donc il y a un autre potentiel et le rapport fond-forme aussi est très intéressant à ce moment-là. Voilà, mais en même temps aussi, c'est intéressant parce qu'au fil du temps, on sent aussi comment la nature, je pense aussi, est une très grande influence pour l'un et l'autre. Pour les deux, mais pour les deux, c'est ça. Et en même temps, d'une manière différente aussi. Absolument, c'est ça qui est pertinent. Oui. Oui, ben voyez, c'est ça, parce que en fait, c'est deux natures, alors là, sur ce plan-là, complètement opposées. Parce qu'à Riopelle, on dit bien, n'est-ce pas, c'est le chasseur, bon, ben, j'aime pas beaucoup ça, toujours ramener ça à ça, mais d'un autre côté, c'est quand même vrai. Il y a cette espèce de contact direct avec la chasse, la pêche, la forêt, c'est un Canadien, n'est-ce pas? Tandis qu'elle, elle est quand même passée par une famille de grande bourgeoisie, sinon aristocratique, mais enfin, disons, ça n'existe pas trop aux États-Unis, mais en tout cas, la grande bourgeoisie très riche de Chicago. Et elle a eu une éducation absolument exceptionnelle dans tous les domaines, peinture, musique, poésie, puis les sports même, vous voyez. Elle avait une éducation extrêmement complète qui lui a été donnée par ses parents. Hein, c'était extraordinaire. Alors, il y a une complémentarité sur ce niveau-là aussi, mais elle sent la nature d'une autre façon, parce qu'elle est plus encline à l'émotion, si vous voulez. Peut-être moins l'instinct que Riopelle a, presque natif, mais l'émotion, la sensibilité développée par la poésie, entre autres, n'est-ce pas? Et elle a fini par trouver ce qu'elle cherchait, parce que c'est ça qui est toujours extrêmement long pour un artiste. C'est de savoir ce qu'il cherche, vous voyez. Oui. Ce qu'il veut trouver, ce qu'il essaye de trouver. Et elle avait fini par identifier sa quête personnelle en disant qu'elle cherchait à définir un feeling. Bon, ben, le mot feeling est passé dans le dictionnaire, alors on me permettra de l'utiliser. Un feeling, c'est plus qu'une sensation et c'est plus qu'un sentiment, c'est les deux mêlés, vous voyez. Oui. Alors elle essayait de restituer l'émotion qu'elle avait éprouvée dans une certaine ambiance, dans une certaine lumière, d'un certain jour, au cours d'un certain séjour, la joie, la détresse, la peine. Donc, elle essayait dans une toile de restituer tout ça. Et c'est pour ça que les titres devenaient très importants, influencés d'ailleurs par sa connaissance de la poésie, et qui s'aidaient l'un l'autre à se donner des titres. Ils se donnaient leurs titres après coup, ce qui est très bien, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, quelquefois, les titres n'ont pas apparemment de rapport avec l'œuvre, mais ils permettent, en tout cas à l'auteur du tableau, de restituer les sensations, les sentiments, les émotions qui ont été éprouvées à tel endroit, à tel moment, vous voyez. Et c'est très important. C'est très important parce qu'on comprend mieux certaines toiles. Je vous ai parlé de Calvi, justement. Calvi, les deux œuvres qui sont mises en parallèle de Riopelle et de Mitchell, c'est comme ces espèces de deux grosses masses, comme des météorites noires, là, vous savez, oui. qu'on a dans certains tableaux, là, qui donnent l'impression qu'ils tombent et qu'ils vont écraser tout, comme des météorites monstrueuses. Et ça, c'est pas non plus c'est pas non plus indifférent de savoir que ça s'appelait la série s'appelait Calvi chez dans l'œuvre de Mitchell, parce que c'est une référence là à un séjour qu'ils ont fait en Corse et qui a tourné au vinaigre, oui, qui a tourné vraiment à la catastrophe entre eux. Alors il y a ce côté dramatique là, écrasant, qu'on sent, mais on se dit pourquoi ça, pourquoi ce poids, pourquoi cette noirceur. Et là, quand on sait où ça a pu être composé, eh bien, on comprend mieux. Mmh, certainement. Et puis, cette idée de sensation, de sentiment dont vous parlez aussi, je dois dire que pour moi, un de mes coups de foudre de cette exposition, c'est Un jardin pour Audrey. Véritablement, la couleur et l'énergie qui s'en dégage. Il y a beaucoup d'émotions. On la vit, cette œuvre-là, lorsqu'on est devant. C'est ça qui est intéressant. Oui. Ah oui, on est gagné par des émotions. Alors ça, c'est un peu, vous voyez, c'est à la suite de la mort d'une de ses meilleures amis, qu'elle a peint ce tableau-là. C'est un diptyque. D'un côté, il y a une espèce d'émanation qui fait penser un peu à Monet. Puis de l'autre, c'est plutôt, on va vers Matisse, les feuillages de Matisse, et le vert bleu de Matisse, vous voyez. Et c'est deux formes de jardin, mais on sent cette émotion-là, effectivement. On la sent dans beaucoup de toiles, l'émotion. Oui, particulièrement dans les dernières aussi, à la fin, justement, quand ça va pas très, très bien entre les deux, justement, de Joe. Oui, le tilleul, les fameux tilleuls. Les tilleuls, exactement. Hein? J'ai vécu quelque chose de très, très fort devant ces œuvres-là. Une tristesse. Oui, parce que c'est une explosion de rage. Oui. C'est à la fois une explosion de rage. Ben, c'est au moment où, finalement, il va plus ou moins, il l'a déjà quitté ou il est sur le point de le faire. Il y a une éruption d'énergie, dramatique et de force, mais une force autodestructrice. On le sent très bien, tout à fait. Oh, oui. Et puis, on termine ça en beauté avec le sans-titre à la fin, avec cette grande masse bleue au centre, mais qui est d'une grande légèreté aussi et d'une grande sérénité, je pense aussi. Elle l'a peinte la dernière année, là, l'année de sa mort, finalement. On ne sait pas si elle est inachevée ou pas. C'est possible qu'elle soit inachevée. Mais voyez, c'est un petit peu encore dans la série des tilleuls, dit-on. Oui. Moi, c'est étrange parce que c'est pas des tilleuls que je vois, c'est une espèce de cerveau. Okay, la oui. forme d'un cerveau, c'est vous savez, vrai. Avec la moelle épinière qui sort du crâne. Vous avez raison. Je peux pas m'empêcher de ne pas voir cette image-là dans les deux tableaux, des deux toiles qui sont juxtaposées, en plus les deux cerveaux, hein. Oui. On dirait la partie gauche, la partie droite. Et ça, c'est ça. Moi, personnellement, je vois pas le tilleul dans ces dernières toiles-là, mais comme elles sont peut-être inachevées, bon, on peut se tromper aussi, n'est-ce pas? Et puis, c'est intéressant parce qu'une fois l'exposition terminée, on peut aussi terminer en allant voir le magnifique hommage à Rosa Luxembourg, un étage plus bas, qui vient en quelque sorte clore, si on peut dire, cette relation, hein, où Riopelle a rendu hommage à Joan Mitchell lorsqu'il a appris son décès en 92. Oui, hein, cette œuvre magistrale, il faut le dire. Ça quand l'a même. Démoli, ça. Ça l'a démoli définitivement. Oui. Ben, il l'appelait Joan of Arc. Oui. Ce qui était à la fois l'admiration qu'il avait pour elle, parce qu'elle était complètement dévouée à son œuvre. Oui. Était vraiment, ça comptait peut-être encore plus que pour lui. Voyez. Oui. Alors, Joan of Arc, ça, c'est le côté absolutiste dans sa vocation. Et d'une espèce de sainte dévouée à l'art, mais en même temps, Rosa Malheur, tout ça. Bon, ben, c'est sûr que là, il y a tout un autre développement à faire, oui. Oui, exact. Parce que c'est tellement immense, cette œuvre-là. Il y a tellement de symboles que on pourra en parler des heures. Exact. Et on doit malheureusement terminer dans quelques instants, mais tout de même, je voulais souligner aussi le très beau catalogue aussi qui a été réalisé pour cette exposition-là, qui peut faire aussi un très beau cadeau. Des fêtes, hein, tant visuellement que pour en apprendre. Et qui aide, vous voyez, parce que justement, comme on ne veut pas que d'une on ne veut pas lire les cartels parce que bon ça dérange, puis de toute façon quand il y a beaucoup de monde on a énormément de peine à lire les cartels, donc on veut pas voir les cartels, mais on aimerait après coup encore en savoir plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le catalogue est absolument intéressant pour ça. Vous avez toutes les reproductions et des développements naturellement des spécialistes, en particulier de monsieur Martin, Michel Martin, qui viennent chez vous du musée et qui a été le commissaire principal. Exactement, et on est habitué de voir des expositions de très grande qualité avec ce commissaire, avec monsieur Martin. Honnêtement, là, les plasticiens, je me rappelle, il y a quelques années, était une magnifique exposition aussi. Et enfin, bref, pour tout ça pour dire ce qui prouve bien, voyez-vous, ce qui prouve bien, et ça j'y tiens beaucoup, on peut faire des blockbusters, c'est le terme consacré, sans pour autant faire de compromissions. Oui, c'est ça, tomber dans le populisme, finalement. C'est ça. Mm-hmm. Voilà. Et c'est ça qu'il faudrait retenir, parce que un musée des beaux-arts n'est pas fait pour devenir un musée de bazar. Oui. Vous avez entièrement raison là-dessus et je vous appuie dans vos propos, c'est certain. Allez, écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je le souhaite à tout le monde et beaucoup de succès encore pour les derniers jours à l'exposition. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous, Mme Brunet-Weimann. Ça a été vraiment un plaisir. N'oubliez pas que au mois de janvier, j'aurai un article dans Vie des Arts. Oui, effectivement, vous en avez un dans Rencontre. Oui, et... en ce moment, il est publié. Oui, c'est ça. Très, très intéressant article qui fait un beau survol aussi de cette exposition. Donc, on peut voir ça, mais on suivra effectivement dans Vie des Arts. En janvier. Excellent. Bien, merci beaucoup, Mme Brunet-Weimann. Bon, au revoir beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Oui. Alors, juste pour compléter en disant que cette exposition est présentée jusqu'au 7 janvier au Musée national des beaux-arts du Québec, mais si des fois vous allez à l'extérieur, elle sera présentée en tournée au Canada au Musée des beaux-arts de l'Ontario à Toronto, ainsi que à Landerneau en France, au fond Hélène et Édouard Leclerc. Voilà, je pense que cette chronique disait notre affection, notre grande affection pour cette exposition qui est une incontournable de 2017 certainement. Alors, on va en pause publicitaire et on revient avec la revue de l'année et les coups de cœur de l'équipe. Première Ovation vous souhaite de joyeuses fêtes avec les artistes émergents de Québec. En décembre, plongez dans l'univers rêveur et poétique de Ghostly Kisses, le projet solo de Margot Sauvé. Dans son premier EP, What You See, l'auteur, compositeur, interprète et violoniste qui a fait vibrer Spotify révèle toute la force de son univers électropop. Commandez la version numérique sur iTunes ou la version physique sur Bandcamp. Ghostly Kisses sera en spectacle le 26 janvier au Cercle avec Croy. Vous avez moins de 30 ans ou vous connaissez des jeunes curieux qui aiment vivre de nouvelles expériences musicales? Faites le Déclic Musique avec 5 concerts pour seulement 99 $. Découvrez l'Orchestre symphonique de Québec, les Violons du Roi, les Rhapsodes, l'Opéra de Québec, E27 Musique Nouvelle, l'Ensemble Vent et Percussions de Québec et le Palais Montcalm pour seulement 99 $. Détails au déclicmusique.com. Eh bien, on poursuit cette et dernière édition de l'aérospatiale, donc de 2017, bien sûr. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL et je suis très heureuse parce que là, j'ai plusieurs collaboratrices qui m'accompagnent actuellement en studio pour faire ce petit retour sur l'année 2017, ce qui a marqué nos coups de cœur de l'année, finalement. Et bien, on va y aller sans plus d'introduction, je pense. Commençons avec Annie Charlotte-Thibaudot. Oui, allô? Bonsoir. Donc, quel est ton coup de cœur? En fait, c'est un exercice assez difficile, trouver le coup de cœur de l'année. Donc, j'avais beaucoup d'expositions en tête. Donc, j'ai décidé de tricher un peu et de diviser mon vote en deux volets. Donc, un volet régulier, puis un volet relève aussi pour souligner les belles propositions qu'on a eues du côté de la relève. C'est parfait. On aime ça quand ça sort un peu là, de la proposition. Oui, donc du côté relève, je suis arrivée avec une égalité. Donc, mon premier gagnant, en fait, c'est l'exposition de Sarah Thibault en Bourgeoisie le Sauvage, qui était au Centre d'artistes Regard. Donc, Sarah, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, présentait une exposition qui était mise en espace dans l'idée d'une procession. Donc, à partir de nos premiers pas dans le lieu jusqu'à la fin de notre parcours, où finalement on découvrait un décor qui se faisait une critique de ces espaces naturels qui sont magnifiés par les humains pour mettre en scène le pouvoir. Donc, des paysages tellement transformés pour la cause qu'ils en deviennent dénaturés. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. Et puis, à égalité, j'ai aussi eu un fort coup de cœur pour l'exposition de Gabrielle Boucher. Oui, Conforme l'ordinaire, oui, exactement, qui était présentée au lieu. Donc, en fait, ce qui m'a plu beaucoup, c'est que Gabrielle avait tellement transformé le centre qu'on était presque désorientés. Donc, pour les habitués du lieu, là, on n'avait plus du tout de repères. Elle avait divisé l'espace en plusieurs petites pièces fermées dans lesquelles elle avait réussi à créer des ambiances singulières. Donc, en détournant des objets usuels, des éléments de notre quotidien, elle nous plongeait dans des environnements poétiques qui étaient souvent tournés vers l'imaginaire. Donc, je trouvais qu'on avait des belles propositions, là, justement, du côté des artistes émergents. Puis, du côté volet régulier, encore une fois, ça a été assez difficile. Je dirais que coup de cœur, tu parlais un peu plus tôt dans l'émission là, des coups de cœur rencontres. Moi, j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec Fiona à Nice cet automne. Puis, je trouvais que l'exposition, en fait, qu'elle présentait, Mormorie, à la Galerie des Arts Visuels, était très, très complète. Il y avait une dimension humaine, une grande sensibilité, une belle poésie. Donc, tant dans le processus qui s'échelonnait quand même là, sur plusieurs mois que dans le résultat final, finalement, une exposition à très grande portée, très humaine. Puis aussi, j'hésitais avec la proposition de Ludovic Bonnet, Sous les chatons, donc à la galerie Michel Guimond. C'est une installation, en fait, que je trouvais très rafraîchissante puis intelligente, en fait, parce qu'elle était adéquate pour la galerie. Ce que j'aimais, c'était combien elle était tournée, en fait, vers l'expérience du collectionneur. Donc, on pouvait cueillir soi-même notre chaton et même la colossale installation, un peu comme on le ferait en fait en nature. Puis j'aimais en fait l'idée de reparler de cette exposition-là aujourd'hui parce qu'elle est encore en cours. Donc, elle est présentée. Oui, elle est prolongée, oui. Exactement, donc elle est présentée jusqu'au 7 janvier. Ça peut faire partie, comme tu le mentionnais, là, des activités à faire pendant le temps des fêtes, idéalement aussi en famille. Hein. Tu parlais d'activités qui peuvent être intéressantes à faire en famille. Mais lors du vernissage, moi j'ai vu plusieurs parents qui étaient là avec leurs enfants, puis c'était très très bien reçu là, de la part des petits, donc ça peut être une belle activité du temps des fêtes à faire en famille. Là. Oui, puis aussi un beau cadeau à s'offrir pour vraiment. Seulement 5$ le chaton, oui, là, plutôt que d'avoir une petite bébelle dans un Kinder Surprise, je pense que ça vaut clairement l'investissement d'un gros 5$ là, de ramener un à la maison. Ramener chez soi une petite partie là, de l'installation, oui. C'était très intéressant. Oui. Exact. Bien, merci beaucoup, Annie. C'est plaisir. Alors, on va y aller avec Anne-Sophie Omer. Qu'est-ce qui a marqué si on peut dire, toi, je pense que tu es allée un petit peu, c'est un organisme de Québec qui avait une œuvre, puis on était pas trop loin de Québec. Oui, on sort un tout petit peu de la ville. C'est parfait. Bon, alors déjà, bonjour tout le monde. Je tiens à préciser pour ceux qui ne voient pas qu'il y a des gâteaux, il y a des chocolats et il y a des pulls qui clignotent autour de cette table et de ces micros. On se gâte, joyeux Noël. J'en reviens pas d'ailleurs que j'ai pas pensé à tricher aussi, à faire plusieurs petits coups de cœur. C'est vrai que ça a été un vrai casse-tête de trouver ce qui nous a cette année, qui a bougé notre cœur et qui nous a enfin tout ce qu'on a vraiment adoré. Moi, j'avais envie de vous parler d'une expérience, effectivement, qui sort un tout petit peu de Québec. C'est le trajet cet été entre Québec et Montréal, durant Truck Stop. Et c'est quelque chose qui s'est passé à Drummondville, effectivement. C'est la projection du film de Nelièvre Rajotte, qui s'appelait Blanc. Et en fait, ça a eu lieu dans un ancien ciné-parc. Donc imaginez l'ambiance, ils ont poussé, c'est maintenant une entreprise de transport qui est là, donc ils ont gentiment prêté l'espace, et pour cela ils ont déplacé les énormes camions qui étaient là, ils ont fait de la place, et puis l'écran est encore présent, il n'a pas été démonté, donc ils avaient fait énormément de place pour que la projection puisse avoir lieu. Dans l'ancien restaurant où il y avait encore de vieilles étiquettes, comme ça on a pu faire une vente, une sorte de bar, vente de pop-corn, et puis il y avait également un camion ouvert sur le côté avec des petites lanternes, des petits sièges pour faire vraiment comme une scène aménagée, oui. Scène ciné-parc. Il y avait une ambiance là, c'était assez fou parce qu'on on était avec des gens vraiment différents, que ce soit de Québec ou de Montréal, mais qui aimait l'art, et puis on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et là donc il a fait nuit et puis la projection a commencé, et en fait là on a été transporté par, que ce soit le son et les images de cette projection, où en fait on survole, en fait c'est une sorte de drone qui survole le nord canadien, et puis on est bien sûr, comme le titre l'indique, dans des blancs, et on se balade, on voyage, puis finalement c'est trouble, on sait pas vraiment où on est, on sait pas vraiment ce qu'on voit. Et là, vous avez même le sol qui tremble avec les grosses enceintes qui crachent un son assez fort. Et puis, vous êtes vraiment pris dans l'ensemble. Honnêtement, les 9 minutes 30, vous ne les sentez pas passer. Pantoute, vous en voulez encore. Et moi, ça a été une expérience parce qu'elle était... Elle était participative, on vivait quelque chose en même temps, c'était plein d'émotions, enfin voilà, j'ai vraiment adoré de quoi ponctuer l'été, et j'espère qu'elle pourra être rediffusée bientôt. En tout cas, Nelièvre Rajotte, elle la propose sur son site, on peut la retrouver, la revisionner, donc n'hésitez pas à y aller. L'expérience sera différente, mais allez-y. Oui, et rappelons que cet événement Truck Stop était organisé en collaboration avec l'Œil de Poisson ici à Québec et le Centre Clark à Montréal, donc à l'initiative de ces deux centres-là. Donc le pourquoi on se rencontrait finalement aussi pourquoi à Drummondville. Un peu sauvé. Ben oui, c'est ça, puis on se rencontrait à mi-chemin à Drummondville aussi dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que c'était, enfin, pour l'avoir vu en différé, c'était une très belle œuvre, très contemplative aussi et immersive avec les tremblements. Comme tu disais, là. Oui, oui, vraiment. Bien, merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci à vous. Alors, je vais me permettre de faire un petit saut du côté de nos collaborateurs et collaboratrices qui ne peuvent être ici ce soir, mais qui nous ont quand même fait part de leur coup de cœur. Il y a Fanny Ménard qui, elle, de son côté, nous dit que pour l'année 2017, c'est la rencontre de Couxasville qui a marqué son année. Je vous lis les petits mots, l'explication qu'elle nous donne. Consécration de la carrière du duo en art public, la présence physique de cette sculpture monumentale m'a émue de façon familière et personnelle dès le premier contact. Elle assouvit pleinement sa fonction en générant une activité piétonne nouvelle dans le quartier où elle habite. Et à chaque fois qu'elle passe en voiture devant ce site-là, il y a toujours quelqu'un qui est là à la regarder, qu'il vente ou qu'il pleuve. Et un projet qui aurait pu ne pas passer aussi auprès des gens aussi, et qui a fait jaser pas mal tout le monde, et qui ne parle pas aussi directement de hockey, faut-il quand même le préciser, devant l'amphithéâtre, cette œuvre monumentale-là. Et elle ne choisit pas aussi d'exploiter la virilité du symbole du chevreuil, notamment, donc ici. Et une grande sculpture, comme on en fait très peu, dit-elle, et qui démontre aussi comment l'art peut générer une activité économique au niveau local quand on lui en donne les moyens, effectivement, parce qu'il faut dire qu'il y a l'atelier d'Inverness, de la fonderie d'Inverness, qui a travaillé tout près d'un an et demi au projet ici. Et également, l'aptitude des artistes au partage et à la collaboration. Elle y voit une pérennité rare dans cette œuvre qui lui fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Fanny, de nous avoir partagé ce coup de cœur. On y va avec Marie-Claire Tremblay qui est avec nous en studio en ce moment. Bon, Marie-Claire, est-ce que tu as été délinquante ou tu t'es quand même réussi à trouver un coup de cœur? Ben non, j'ai pas du tout été délinquante. Et ben écoutez, on voit vraiment que l'aérospatiale n'est pas une émission arrangée, puisque moi je suis restée dans la thématique de l'art public puisque c'était mon fil conducteur pour l'automne. Oui. Et j'ai exactement le même coup de cœur que non. Fanny Ménard. Bon. Mais oui. Et mais je trouve ça intéressant parce que cette œuvre-là, Fanny l'a bien décrite. Elle est très riche aussi en sens, en signification. Mais moi, ce que je voulais mettre de l'avant, c'est que en 2017, s'est passé quelque chose de particulier relativement à cette œuvre-là. C'est que on a connu un peu les coulisses de la fabrication de cette œuvre-là. Oui. Dès le mois de mars, on est allé, je pense que c'est le soleil qui l'avait couvert, donc on est allé vraiment du côté d'Inverness voir l'évolution de cette œuvre-là. Les artistes ont été interrogés depuis le début. Depuis mm-hmm. le début, on suivait cette œuvre-là. Donc, moi, je trouve que du côté de l'événement, il s'est passé quelque chose en art public. On a parlé, on est allé chercher une clé de compréhension, je trouve, qui est très, très grand public et très accessible. La fabrication, en fait, de l'œuvre, comment c'est fait et tout ça. Et même, écoutez, au mois de septembre, mon papa qui m'appelle, qui me dit « Hey, t'as-tu entendu parler de ça, là? La fonderie d'Inverness, l'œuvre arrive, là, cette semaine. » Donc, on a même aussi, vous avez vu ces images-là, quand même impressionnantes de l'œuvre qui circule sur le pont. Donc, Crime, est-ce qu'on pourrait faire ça pour toutes les œuvres d'art public? Laisser la place aux artistes qui l'en parlent, documenter la fabrication de ces œuvres-là. Donc, c'est vraiment un accueil à une œuvre qui est comme, moi, je dirais, j'oserais dire A+, tu sais, pour oui, que les gens se l'approprient. C'est ça, dans l'ouverture. Exactement. Parce que si, tu sais, oui, il y a l'expérience qu'on va en faire, mais en même temps, quand on peut avoir un plus, comprendre aussi tout, ça permettait de comprendre tout le processus, que finalement, c'est pas, tu sais, oui, ça a coûté un million quelques dollars, mais quand même, c'est pas les artistes qui ont fait un gros chèque là-dessus. Ça fait travailler beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens impliqués dans ces projets-là, puis ça permet de mieux comprendre et voilà. De mieux, comment dire, après ça, apprécier le travail aussi, ces travaux-là colossaux en même temps dans la ville, je pense. Oui, ouais. vraiment. En termes de médiation, je pense que justement, c'était un grand coup, puis que c'est à noter, en fait. Tous n'aimeront pas cette œuvre, c'est sûr, mais tous en auront entendu parler, j'ai l'impression. Oui, exactement. Oui, il y a eu une bonne couverture médiatique aussi par rapport à cette œuvre-là. Mm. Puis c'est pas les mêmes médias qui sont habitués de parler d'art, ou enfin, du moins, qui abordent rapidement l'art, qui en ont parlé. Ça s'est diffusé à plusieurs niveaux. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de voir l'intérêt que ça a suscité. Mm. Bien. Donc, voilà, coup de cœur pour cette œuvre et autour, est-ce qu'on a pu y voir? Ouais. Ben super, merci beaucoup Marie-Claire. J'y vais encore une fois du côté d'une collaboratrice qui ne pouvait pas être ici, c'était Émilie Porakia Verdier qui était, à vrai dire, elle qui a retenu une exposition du début de la saison automnale 2017, La machine paysage de Andréanne Dupuis-Bourette, qui a été présentée à Engram en septembre. On en avait justement parlé avec Fanny et Héloïse, à mon souvenir, à l'émission. Donc, une sorte de petit, presque laboratoire, justement, des petits paysages qui étaient là, tout fait de papier. Enfin, une exposition vraiment très intéressante. Et elle nous dit tout simplement que cette proposition-là, elle la trouvait tout aussi intéressante, autant pour les adultes que les enfants. Donc, encore une fois, sur le plan, je pense, ça rejoint un peu aussi le commentaire précédent de la médiation, enfin, pour l'appréciation de l'art. Je pense que cette exposition-là était une belle porte d'entrée pour le public. Allons-y, tiens, avec Lauriane Thibodeau, toujours en studio. Alors, toi, est-ce que c'est un nouveau coup de cœur? Oui, en fait, je me suis forcée pour ne pas parler des expositions récentes, notamment que j'ai couvert ici à l'aérospatiale, qui, évidemment, font en quelque sorte partie de mes coups de cœur, bien entendu. Donc, je suis un peu comme Annie, je triche en mentionnant que ma rencontre avec Cherry Boyle, en fait, pour parler de son exposition à la Galerie 3 tout récemment, a vraiment été une magnifique rencontre de l'année qui me nourrit moi-même personnellement en atelier, je dois avouer. Effectivement. Mais mon véritable coup de cœur officiel, c'est l'exposition de Caroline Belzile-Normand qui a été présentée à la bande vidéo au tout début de l'année, donc janvier-février. Une exposition qui, si vous vous souvenez, on entrait dans la bande vidéo, donc qui est une toute petite galerie, un tout petit espace, et on se retrouvait rapidement entouré d'objets. Donc, vraiment une exposition installative multidisciplinaire. On avait entre autres des films d'animation. On avait des séries de petits objets fabriqués à la main, donc artisanaux. On avait aussi des dessins, des photographies. On avait des carnets. Donc, de l'auto-publication qu'elle avait fait. Il y avait même des broderies, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc de ces grands t-shirts brodés par elle, d'ailleurs. Donc, vraiment une proposition très, très, très généreuse. Je trouvais vraiment qui pondait tout de suite l'atmosphère là, qu'elle souhaitait, dans laquelle elle souhaitait nous plonger. Donc, tout y était songé. Il y avait vraiment une sélection de tout. Le mobilier qui était fait sur mesure, l'éclairage aussi, si vous vous souvenez, c'est un éclairage vraiment atypique. Donc, elle avait vraiment pensé à tout, tout, tout. Moi, j'ai trouvé que c'était une exposition forte. Une exposition richement conçue puis qui était vraiment tout en finesse en même temps, là, très très près de son travail, donc vraiment très très fort, coup de cœur. Oui, puis c'est une jeune artiste aussi de Québec qu'on a pu découvrir beaucoup plus de manière plus complète avec cette exposition là, donc c'est vraiment une très belle suggestion, Lauriane. Oui, puis d'ailleurs son exposition a été représentée sous une autre formule un petit peu, mais l'exposition à peu près, donc au lieu d'à peu près prête, c'était, donc elle a été présentée quelques mois après là, à Trois-Rivières aux ateliers Presse-Papier. Donc vraiment. Bon, ben enfin, elle a peut-être. Rayonné. Oui, c'est ça. Et qui sait, peut-être qu'elle voyagera encore. J'en suis sûre. J'ai hâte de la revoir. Super. Merci beaucoup, Lauriane. Et on va terminer ici avec deux autres collaborateurs de l'émission, Héloïse Plamondon-Pagé, qui, pour elle, ce sont les images photographiques originales et la vidéo d'animation 4 minutes 15 au révélateur de l'artiste Moya Jobin-Paris, qui était présenté dans le cadre de l'exposition Adieu la photographie, cette exposition de Hélène Matte présentée à la Maison Amel Bruneau, plutôt commissariée par Hélène Matte, devrais-je dire, à la Maison Amel Bruneau. Et elle nous dit qu'en utilisant une mixité de techniques de grattage et d'effacement de photos argentiques, l'artiste ravive follement le médium photographique avec une grande sensibilité et une grande maîtrise de la composition graphique, magnifiant les paysages grisâtres de notre chère ville de Québec. Et elle nous dit également que c'est à surveiller. L'artiste prépare également la sortie d'un court-métrage réalisé en collaboration avec l'artiste sonore Magali Babin, qu'on verra plutôt prochainement, à vrai dire, en janvier au mois multi à l'œil de poisson, effectivement. Donc, c'est quand même le fun, ici, cette petite mention-là. Et si des fois vous avez envie de rattraper sa chronique du 24 octobre, elle avait parlé de cette exposition-là, Héloïse, d'ailleurs, donc l'exposition « Adieu, la photographie ». Et sinon, Julien Saint-Georges Tremblay, bien, je pense qu'il a vécu une rencontre très marquante dernièrement parce que, pour lui, son coup de cœur de l'année, c'est la résidence de performance de Lipington au lieu, qui a passé donc presque un mois au lieu, donc en résidence de performance. Et pour lui, il dit que ce sont des performances fortes et constantes autour des questions de la liberté, de l'oppression et des difficultés de communication. même dans ses moments les plus minimaux, la poésie de Li Pengting le touchait énormément. Elle est capable de créer des univers sonores puissants en l'espace de quelques sons. Et c'était très impressionnant d'avoir pu assister et de revoir sur la page Facebook du lieu autant de performances de qualité qui ont été réalisées par la même artiste. Vous pouvez justement vous-même aussi le faire. Et je vous souligne que Julien Saint-Georges va mettre ou a mis tout récemment sur notre page web une entrevue qu'il a fait avec l'artiste des suites de cette brève rencontre que nous avons eue ici à l'émission dernièrement. Donc, on vous partagera aussi sur Facebook cet article-là, mais vous pouvez visiter l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com aussi pour le voir dans son intégralité. Eh bien, reste moi. Enfin, je me suis permis de faire l'exercice et, bon, j'hésite parce que j'avais plusieurs mentions, mais je crois que je serai délinquante et vous ferai part de deux coups de cœur plutôt que d'un seul. Je dois dire que cette exposition en paysage de Evelyn Boulevard à la galerie Lacerte, j'ai énormément apprécié. Peut-être par le fait que ça touchait ces images-là, ma région où j'habite, la côte de Beaupré, le boulevard Sainte-Anne notamment, le fleuve Saint-Laurent qui est là. Vraiment une production que j'ai énormément appréciée, qui était un très beau corpus d'ensemble qui nous faisait découvrir cette région-là d'un point de vue différent, autant point de vue en survol, hein, parce qu'elle avait pris des images à partir d'un avion et ou d'un hélicoptère, là, vous m'excuserez, mais enfin de vue du ciel, et aussi des petites images de choses étranges qu'on croise sur le boulevard Sainte-Anne. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette exposition. Et sinon, je dois dire aussi, on retourne un peu en arrière, Le temps file, la vanité dans la collection du Musée national des Beaux-Arts du Québec, qui a été pour moi aussi un très beau coup de cœur, réalisé par Maude Lévesque, la conservatrice de la collection Prêt d'œuvres d'art au musée, où on faisait un survol, oui, de la vanité, de l'éphémérité et de la fragilité de la vie, finalement, au travers d'œuvres de la collection, mais autant des œuvres d'art anciennes que contemporaines. Il y avait tout un dialogue vraiment très, très fort qui s'établissait autour de ça. Et je dois dire quand même que j'avais un intérêt particulier pour ce sujet-là, mais en même temps, la volonté aussi de créer aussi une vanité tout au long de l'exposition qui allait évoluer, donc réalisée par Claudie Gagnon, cette installation avec un immense pot de fleurs et des objets qui référaient, bien sûr, aux vanités, mais qu'on voyait évoluer dans le temps ces fleurs-là, mais aussi il y avait du fromage, il y avait des choses périssables qui périssaient tout au long de l'exposition. Enfin, vraiment un très beau coup de cœur, puis une très belle rencontre avec Maude Lévesque pour discuter de cette exposition-là qu'elle avait réalisée. Donc voilà, chapeau à tout ce monde-là, à tous ces artistes, puis encore là, je pense qu'il y en aurait eu beaucoup plus à mentionner. Et je me permets très, très rapidement de faire une brève revue de l'année en disant que, on a eu en début d'année, finalement, la cohabitation de Manif d'art et du Mois multi, hein, qui était là pour la première fois, hein, qui se chevauchait pour la première fois, mais qui nous a permis de faire deux très belles éditions, il faut le dire, hein, Manif d'art et Mois multi. Le passage de Christian Boltanski à Québec, hein, qui a fait une œuvre qui faisait partie de mon top 5 de mes coups de cœur ici présenté à Manif d'art. La nomination de 4 artistes de Québec au prix Sobé, il faut quand même le rappeler, on avait fait une série d'entretiens là-dessus. Vraiment, ça ne s'est jamais vu auparavant, donc vraiment chapeau aux artistes de Québec. En art public, on a parlé de la rencontre. Codex Populi aussi de Ludovic Bonnet, une autre œuvre magistrale tout près de l'Hôtel de Ville de Québec. La visite de Jean-Pierre Reynaud aussi, l'annonce de la recréation de son œuvre par un collectionneur de Québec, ici Marc Bellemare, mais aussi qui sera réalisé par des artistes de Québec aussi, donc quand même à souligner. Et je dois dire aussi, le Musée national des Beaux-Arts du Québec, honnêtement, qui vraiment, je trouve, a proposé une programmation très